aura tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle veut, tout ce qui vous va et tout ce qui vous lie. Mais jamais tu ne pourras te séparer d'elle. Et parfois tu cherches au vin ta liberté, celle dont elle parle.